comme une source intarissable, de fleuves d'eau qui jaillissent jusqu'à l'éternité. Coule dans nos vies et garde-nous dans ton intimité, cher Saint-Esprit. Nous voici dans ta présence. Inonde nos cœurs. Oh, le paraclet. Inonde nos cœurs. Cher Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Inonde nos vies. Inonde nos cœurs. Nous avons nous élevés, nous te désirons. Alléluia. En toi, nous avons la paix et le bonheur. Inonde nos cœurs. Inonde nos cœurs. Cher Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. En toi nous avons. Cher Saint-Esprit, alléluia. Nos mains sont levées. Oh, oh, oh. Nous te désirons. Viens, d'intelligence, de connaissance et de crainte de Dieu. Saint-Esprit. En réalité, dans l'or, oh oui, c'est toi, souffle du Dieu vivant. Saint-Esprit. Oh oui, soleil levant, inaugure un nouveau jour dans ma vie. Enseigne-nous la sagesse de Dieu.